de gens qui ont plié. Non, j'ai comme les maliers, j'en ai marre de supplier. Des hommes comme moi, chaque jour mon cœur je dois vomir pour repartir à zéro. Trouver la force pour me battre, toujours contre les mêmes, contre ceux qui sèment la misère sur ma route. Et qu'est-ce que je peux faire? Regardez. Pour saisir ce qui se passe ici, mon fils, c'est sûr il faut des grands yeux, un cœur bien accroché, des bons principes. Merci grand Dieu. Mon fils, garde la foi comme un révérend. Malgré toute la misère qui nous entoure, reste persévérant. Tu sais, nul n'est parfait et tout homme cède. Comme le mal est partout, il est normal que tout homme cède. C'est comme si j'avais la loi, les livres de droit contre moi. J'en perds la foi, je doute, et qui peut m'en vouloir pour ça? Que le mal se répand comme une odeur nauséabonde. C'est choquant quand voir que les images nauséabondent. Ouais. Éloigne-toi des divers péchés capitaux. Et si ma vie c'est le cirque, sors vite de ce chapiteau. Non, j'en ai assez. Dans le passé, des gens ont donné leur sang pour des causes. Aujourd'hui, plus personne n'ose se révolter. On subit, mes mères, si on foutait le feu comme en 68, 98, les gens ont tout oublié. Y'a plus d'amour propre rangé dans nos poches. On fait plus ce qu'on veut, merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Du calme, mon fils, reprends-toi. Sors la haine qui est en toi. Le mal, et repends-toi. D'accord, mon père, pardonnez-moi. C'est plus fort que moi. Je suis dérouté par ce que je vois. Mais comment faire face à tant d'intolérance, face à tant d'insouciance? Aujourd'hui, que je ne vois plus rien, à l'aveugle, tout le monde veut montrer le chemin. Le monde est pourvu de toutes sortes de prédicateurs. Et quelques conseils ne font pas d'un homme un bon éducateur. Tu dois trouver le chemin par tes propres moyens. Éviter les erreurs qu'ont fait tes doyens. C'est vrai, je voudrais être l'illuminé, celui qui sait tout, celui qui voit tout. Mais l'homme faible que je suis fait parler les nerfs avant l'esprit. Tu commences à comprendre. Dans tout ça, je me perds. Mais vous savez, mon cœur est arrosé par l'espoir. Mon Dieu, il ne faut pas, il ne faut pas que mon âme se fane, que mon...